Are you ready? Let's go! Rail suprême. 2 heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Passez une bonne soirée, bienvenue comme chaque dimanche soir. DJ Case est là, comment va Case? Ouais, très très bien, franchement. En pleine forme. Super forme, ouais. C'est dimanche soir. Le top du top. C'est parti pour Rail Suprême et tu n'es pas seul ce soir. Non, je suis pas seul, j'ai amené un chanteur. Un ambianceur. Un enchanteur. Un enchanteur même, carrément. il est déjà venu là l'année dernière pour des promos, d'albums, et on l'a déjà invité sur Rail Suprême. C'est Isno, il est là, et il est toujours là et il ramène de l'énergie, de la force. Comment va la famille? Il va mouiller le maillot ce soir dans Rail Suprême. Ça va transpirer aujourd'hui. Ça va Isno? Ça va et toi? Écoute, bienvenue dans ce Rail Suprême spécial avec DJ Case. Merci à toi. Au programme, tu vas nous ambiancer tout ça, non? On va ambiancer tout ça comme d'habitude. Je vous promets qu'il va mettre le feu. Eh ben, on peut y aller, coup d'envoi. On va y aller direct. N'hésitez pas à balancer vos dédicaces et tout. Lui, il est là, il est en direct et il parle. C'est pas comme moi, lui. Moi, je suis au platine et lui, il parle. Oui, mais c'est un travail important. Vous faites tous les deux. Voilà. C'est un travail d'équipe. Eh ben, coup d'envoi pour ce travail d'équipe. Coup d'envoi de ce Rail Suprême maintenant. Minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Quoi qu'il arrive, on recule pas. Ils parlent sur moi, je les calcule pas. Souris-moi, ça me tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. Tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'en a marre de se faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en a marre, viens prendre un verre. Des fois je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai peut-être fait le gangster dans mes clips. Mais c'est bien loin de ce que je prône. On est dans le partage, on est fédérateur. C'est beaucoup mieux que de faire la terre. Rail sur I sabia do de Mais mets des lettres, gars. Tous ces enfoirés, je sais qu'ils passent au ouais, c'est pas ta mentir. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à Fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Hey, la famille se sent remplie, c'est vous sur la gym. DJ Kays, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes, moi les hommes sont les mêmes. Case pendant 2 heures sur Rail Supreme. Skyrock, lourdeur, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. J'attire les photos. On a peur, on s'ennuie. Yeah. dimanche car c'est du lourd. Minuit, 2h. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Suprême ou pas? راني حالف قلب سلام ما نعطيهاش سيدي ربي العالي ما تحشمنيش راني حالف قلب سلام ما نفلتهاش apaise nos souffrances et nous guérit. Tu ne peux que bouger sur Momo et All Carry. Mon mic est en cri, ton corps nous obéit. Alors on chante la misère de nos peuples, la rage de nos keufs, le charme de nos meufs. Entre le béton et la terre rouge, le bitume et le sable. Si t'as le rythme dans la peau, ben vas-y garde-le. On est là pour deux heures, j'espère que tu l'as compris la famille. Personne te valide, lit, lit. Yeah. Tu fais la serveuse, t'as pas laissé de pourboire car tes poches sont vides, vides, vides. Je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, yeah. Fais pas la resta. Rai, je suis pas la famille pendant deux heures. Dimanche, soyez branchés, restez branchés, l'ambiance est là. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée naze, désolé on reste pas. Y'a pas la grande chasse, y'a que des Vespas. Faut leur mettre des filles, comme sur Insta. On se fait la guerre, tu peux me retrouver à la fin. Yeah, H Magnum, mon gars Black Game. Doux et tous ces avatars. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas. Donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon. Dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Aucun mytho. Dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe? T'as reconnu l'équipe? T'as senti l'équipe? DJ K, t'as des chevaux plus que dans ton lambeau. Rai Suprême, Deezer, DJ K, cette ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Les chouchous nés dans la braque. La liberté mon frère c'est savoureux. Tu rentres chez les teintes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, LW est dans le sang, on vous mettra à genoux. Vex, Elias, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On compte en l'air, I get it, I get it. On compte en l'air. Rai Suprême, DJ K, ambiance avec tous les crisis. I believed all in your dreams are the reason. You took my heart, I'm a keys, I'm a passion. You took my heart, I'm a secret. I took my love, I'm a foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. La la la la la la la la la la la la la minuit, minuit, deux heures avec Fred et DJ K sur Skyrock. T'as compris? So sweet and fine like she comes in the morning, still have her in my night time. Gives me hangover, but I don't care, no. So smooth and fine like. Minuit C'est Rail Suprême sur Skyrock. Je suis seul raté, t'es seul bonne touche. Afro trap a marqué comme ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la chauffeur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Ils ont sorti l'air comme Keita Shek. Les négros en redemande, passe à coup de fil, y'a d'un peu frais sur moi. Tu me vois sur les réseaux, tu t'es ma m'écrit. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. J'suis toujours en apnée, c'est pas tard, je descends pas. Tu te butes à la yuka, on se bute à la peufra. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Paname c'est la Champions League, faut que c'était pas de ma team. Paname c'est la Champions League, on va jouer en Champions League. Paname c'est la Champions League, faut que c'était pas de ma team. Rail Suprême, en minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. C'est mon malheur, abusé, j'aime trop les femmes, abusé. C'est mon malheur, abusé, même vous mesdames. Des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir poncé, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba, genre tête ça au polo. Mais mon pote Yarumba, pense que t'es une choroto. Le ramadan est fini. On Skyrock. À tous les auditeurs de Rail Suprême. L'équipe désolée, c'est devenu sans piqué. Un peu de jacquel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, je frappe dans la cité. Ça tombe juste en lamelle, et l'amener. C'est toi qui fais le mac, au final tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en bougie. Au pire, je mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON, on dirait qu'à Pointa. Pour les frangins qui mettent un ilangin. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délitudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça sent crème, ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Sont pleins de manies. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rune valide. Deux chauffements s'en foutent à madame. Les contraires s'attirent. Pas d'amis, que des frères. Pas de pute, que des hommes. Sur la chair de ma chair. Skyrock. J'en savais plus. Empêché, j'ai la folle. J'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes. Puis tu fais rentrer des DJ Case. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort. Y'a des gens bien, y'a du soul. Suprême sur Skyrock. C'est le désordre du Alonso. Tout le quartier caillasse les forces de l'ordre. Ils sont pleins de manie. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Deux chauffements s'en foutent à madame. Les contraires s'attirent. En île Honda, fais le condo. Rapta dans la porte. On a fini condo. Skyrock. On démarre, on démarre, on démarre, on démarre. Rise Supreme, fou, quelle folie déjà. Ouh là là là là, no, doucement, doucement, doucement. Il est chaud, il est chaud. Calme. Fou, là là. On transpire. Et pour un dimanche soir d'habitude, c'était là, tu te reposes là, t'as envie de danser non-stop. Ah là, c'est Case, hein, Case, il nous met la barre haute, donc on est obligé d'assumer. Hein. Bon, Case, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Bah, moi, tout va bien. Je vais dire mes dates tout à l'heure, là, je suis en train de les chercher. Donc, des dates de prévues durant cette semaine? Ouais, bien sûr. Beaucoup de dates? Oui, jusqu'à la fin du mois. Beaucoup de soirées? Bah oui. De prévues. Et tout pour toi, Isno, un petit mot sur toi également? Bah, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va sortir? Bah, écoute, aujourd'hui, avec grand honneur, Case me fait le plaisir de passer mon morceau sur Rise Supreme. Donc j'ai l'honneur de venir ambiancer ça avec lui. Donc c'est un morceau qui s'appelle? C'est un morceau qui s'appelle Allô la Terre. C'est un single qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc on peut le trouver, si on veut, dès ce soir on peut le récupérer. Dès ce soir tu peux aller le récupérer, Allô la Terre, sur toutes les plateformes de téléchargement. Isno 45G. Isno 45G. Vous savez, Orléans, en ce moment Orléans c'est la plaque tournante. Ça n'arrête pas. J'ai envie de dire c'est la plaque tournante. C'est là où il faut être en ce moment. On arrive vous voir les gars, on arrive vous voir. Les dates tu les as où? On le fait en fin d'émission? Ouais, en fin d'émission. Ouais. Et ben on est reparti pour une nouvelle session, toujours avec Isno et DJ Case au contrôle. Yes. Je n'oublierai jamais avec Fred et DJ Case sur Skyrock. J'oublierai jamais tes jolies lèvres. Je me souviens, je t'ai vu entrer dans la boîte. Je me souviens, je t'ai vu danser toute la night. Danser toute la night. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'aurai. Je l'aime, je l'aurai pour la vie à mes côtés. Je t'ai vu avant lui, t'es à moi pas à lui. Il aime te voir danser, je ne peux te partager. J'ai tigné à l'air flow et à l'air béné, je m'en ai délai. Je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. chaud, soyez bouillants, branchez-vous. Classique du Maghreb. Des Congolais. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, yakalarsan. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. C'est DJ Kaze Mysterio, de Paris au Renard Kyo, de Marrakech à Bollywood, Casa Negra Brésil. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaist. Et sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichas. Avec Aïcha Pandisha. Jukni de kafai vich roi, o tero ro khamli hoi, o tero ro khamli hoi. Dam kutku, dam kutku, dam kutku, dam dam dam kutku, dam kutku, dam kutku, kutku. Je mange un temps d'ouvrir, ah ouais, je repense à Paris, elle se fait temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Rice suprême, cocktail frais, vodka calique. Ambiance avec tous les sons du moment. Parle à ma montre, j'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, parle à ma montre. Ce soir, je chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à Pou. Hey, DJ K. Hey, Sophia. Hey, Je réussis ma vie avec tout son poids. Je veux tout sur mon bébé. Je te mets la bague au doigt. Laisse les trompée, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Elle a fait pleurer sur Skyrock. Aïe, aïe, aïe. Pa, pa, para. T'as vu le bout du cœur. Pa, pa, para. Cette go me rend fou. Skyrock. T'as vu le bout. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. Je fais genre attitude, merde, doigt de couiner. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal, sexy, élégante girl, pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sauts. On monte la chaleur tout doucement avec DJ Kyle sur Skyrock. Yeah, she looking it, she looking it, she looking it, she looking it. On a pas de manuel. On vient foutre un bordel pas possible avec un amifa. Gros big up à Fouedelde et le petit Alifa. On m'appelle Is No Good le canif à la place du calife. Beaucoup sur mon flow salive mais s'éclate les gencives. Oui j'aime être libre si je m'évade ce n'est pas dans les livres. Derrière le mic je suis chaud, dans la vie givré. À l'écoute de mon son tu peux quand tu t'es fait gifler. Au bonhomme au cadeau tu t'es fait siffler. Mets-toi sur le banc touche car t'es tout essoufflé. Reprenez la bouffée je vous l'ai dit qu'on n'a pas tout fait. Pour souffler mais personne ne va s'étouffer. Manigance on se tape pas la chauffée ni la chauffée. On est pour le chauffe, la preuve tout le monde est chauffé. C'est chauffeur derrière un bolide comme sur scène appelle-moi chauffeur. On n'a pas de manuel, du manuel. On n'a pas de manuel à main nue. On n'a pas de manuel, on est à main nue. On n'a pas de manuel à main nue. On n'a pas de manuel manna. C'est dans mes aides et le goudia qui est venu parler au mana. Rai suprême. Où elle? Pour toutes les personnes encore qui n'ont pas cru qu'on était chaud, mana. Les pieds sur terre. Et si le superficiel est à mes côtés, surtout faut pas que je le mate. Faut garder un brin de mystère. Il n'y a pas de timidique, pas de manière. Je vais me dévoiler, crois pas que je me tâte. Juste la famille, un petit conseil d'amis. Moi je dis qu'il faut contrôler sa vie. Vous marchez avec une identité, nous on roule sans permis. Je me permets qu'un solo je me termine. Plus le temps passe, plus mon visage devient terne. Un vécu visible par les cicatrices et les cernes. Putain faut que je me casse dans mon village natal. Mais tout d'abord faudrait que j'arrête de fumer du zlat. Rai suprême, minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Crois pas qu'on est con, crois pas qu'on prendra la banane. Indépendant depuis 12 piges, mais personne nous canne. On n'a pas de manuel à main nue. On n'a pas de manuel, on est à main nue. On n'a pas de manuel à main nue. On n'a pas de manuel, manna. Sur du rai suprême, sur du rai suprême, avec DJ K. La famille, on ambiance le rail suprême de DJ Khan. La vie de ma mère, c'est DJ Lou, salement trop. It's funny, just in case you never know. Just in case you never know. Shalom, mon frère, shalom. You can out. avec Fred et DJ K sur Skyrock. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. My brother, my sister, no need to if we could do a bad day, then we did not go here. On est ensemble, la famille. On est ensemble. Oh, bien donné collection. Bien, oh, bien donné collection. What else? Bordel. Bordel. Oh, bien donné collection. Bien donné collection. Ah, bah. Oh, bien donné collection. Quoi, Mama wani pe biembu wa bonfia I hope a promo yenye na buhuntia Oye wa time for jano manivia Yambu wa mua musi na bumpia Sabu pe mua tome nina lezi Nana nyame ni ya wakano nebebe mo Sabu ma usa swabi po nina tutu Gros big up à tous les auditeurs de Rai Supreme. Si vous validez c'est hashtag Rai Supreme. Everybody sing it. Alléluia, everybody sing it. Alléluia, alléluia. Happy single, oh yeah, I say happy single. Alléluia, oh yeah. Laisse-moi manger, la bouteille est payée. J'suis à Miami, ce soir ça va grailler. Laisse-moi manger, monte le son. Laisse-moi manger. La bouteille est payée. Laisse-moi manger. La Laisse-moi manger. Et seulement sur Skyrock. J'suis à Miami. Ce soir ça va grailler. Rentre dans la piste. Et ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du kedja. On va se mettre bien sur un yacht. J'vais claquer tout ma paye, tout mon PNF. Oh oui, au pays des ténèbres. Et foncé dans le bar. Du whisky, de la vodka, de quoi te donner la migraine au réveil. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebou, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Toutes les nuits c'est la même, la mélodie du chétan s'amène. La go est tellement nebou, j'suis à deux doigts du crime passionnel. Désormais si tu payes pas tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Désormais si tu payes pas, tu viens pas. Des fous partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés, y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Je suis fier de mon parcours, joue pas le brigandé. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Je suis fier de mon parcours, joue pas le brigandé. Laissez-moi, je suis dans mon délire, je suis personne, j'ai pas me vanter. Soit les petits faire des délits, j'ai pas la tête à inventer. Tu voulais savoir ma vie, j'ai traîné et ça m'a scanné. J'ai grandi, j'ai vu mes amis, j'étais content, ça fait des années. Rail suprême, moi, tu mini, deux heures, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock, si la famille vient boire un coup, ramène ta folle, on lui met son coup. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. Y'a des fous partout, y'a des petits gâtés. J'suis fier de mon parcours. Just cause it's danger. Tout le monde est danger. Skyrock a su passer. comment c'est chaud. Oh comment c'est chaud. Rai Suprême, c'est chaud. Justin, c'est chaud. Case, c'est chaud. Skyrock, c'est chaud. Tu veux la chaleur, c'est chaud. Tu veux la chaleur, c'est chaud. Hashtag Rai Suprême, la famille. Tell me just one be squeeze, yeah. Put me angel is a player. Avec Fred et DJ Kaze. Attention, Rai Suprême a remis. On est avec un chauffeur, on est avec un chauffeur. Restez branchés. We'll be right back. bientôt ne collège. Salut, c'est DJ Kay, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rai Suprême. Y'a puis au bientôt ne collège. Au bientôt ne collège. Bientôt ne collège. Au bientôt ne collège. Quoi Même ma wone pe bien bua bon fia. A hope pro mu yen yina bu huntia. O ya wotan fo ja no man india. Yam bua mu a mun sina bum pia. Se wu pe mu an yo men yina edi. Na na nya men ya wakano ne bebe mu. Se wu ma wu sa swa bi pon yina tutu. So my body don't lose God. Kan wako ma toya. Everybody sing it hallelujah. Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, happy single. Oh yeah, I say happy single. Oh yeah. Sky Rock, Bagaille Suprême. La bouteille est payée, j'suis à Miami. Ce soir ça va gagner. Rentre dans la piste, et ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du ketchup. On va se mettre bien sur un yota. J'vais claquer tout ma paye, tout mon bénef. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bar avec Ali. J'l'emmène au pays des merdes. Des omnidaires au bilan de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champagne, du whisky, de la vodka. De quoi te donner la migraine au... Toutes les nuits, c'est la même. La mélodie, j'ai d'un samène. La go est tellement nouveau. J'suis à deux doigts du crime passionné. Toutes les nuits, c'est la même. Dans sa main, la go est tellement me bouche. Je suis à deux doigts du crime passionné. Collé serré, oui, collé serré. Collé serré, toute la nuit ça va collé serré. La petite, la petite. Collé serré, oui, collé serré. On Skyra, dans la deux boîtes, toute la nuit ça va collé serré. J'suis un peu méchégué dans le carré délibé. J'suis un peu méchégué dans le carré délibé. Donc, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket si tu veux rentrer au VIP. Donc, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket, prends le ticket si tu veux rentrer au VIP. J'ai vu ton poste déhancher dans la soirée. Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Fuck les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça à Bordeaux. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez la pédie. Gardez la pédie, la pédie. Gardez la pédie. Tsunami, qui amro ali fidari. Shukara, amama.

patlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş, eski köye bak, dostlar mahvol. DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, bled. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang comme dans le sang, puis en sang. J'ai juste la crosse en dansant, pensant au notre pays. C'est avant la pupille, ils veulent donner des ordres, être les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à valer du haram. Les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace pas, après je m'en irai. Vivant, on lipide, devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoile l'histoire. C'est un bizarre, les criques en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confient à Dallas Lee. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Hussein. On réveille à 15h, ça où j't'ai pas appelé. Mais personne te valide, lit, lit. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire. Car tes poches sont vides, vides, vides. J'me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, j'suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des fils, comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des fils, comme sur Insta. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. C'est Rail Suprême. T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait avaler dans le dos. Prends n'importe où, tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, j'suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les tentes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, et W est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle liasse. Rolls Royce, pétasse. Constable, 20 bouteilles. Toujours calibré dans le club Rolls Royce. On compte en l'air. I get it, I get it. On compte en l'air. Tu peux me retrouver à l'after. Je m'en bats les reins du game. Game, je suis plus doué que ces amateurs. Comment se fait-il qu'il soit aussi bon? Va-t-il prendre la fête? Tu crois me connaître, tu me connais pas, donc ne me prends pas la tête. Je vais te faire planer même sans pilon. Aucun mytho, dealer de chez nous, y'a aucun mytho. DJ Kays. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et seulement sur Skyrock Suprême. Minuit, 2h, DJ Kays t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. De vivacité. Avant je jouais les cadors, pas à la maison mais dehors. Et tu passais devant chez moi quand tu promenais ton labrador. Monica, on y va. Monica, on y va. Refais ta vie, Monica. T'es si jolie, Monica. Nouvelle vie, Monica. Refais ta vie, Monica. Et seulement sur Skyrock. Pour Marrakech, loca, loca, on visitera. papa, para papa, papa, para papa, papa, papa, Monica, para papa, papa, para papa, papa, para papa, papa, Monica. Négliger. C'est Rail Suprême et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême qui a été. C'est la vérité, sportif. J'ai kiffé. Ambiancé de main de maître. Merci la famille. Paris Isno qui était là avec nous. Donc, si j'étais pas tout seul, c'était Isno qui était là. Donc merci là, j'ai checké sur ses réseaux. Ouais, où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs, Isno, si on veut Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snap, Isno45G, Facebook, ma page Facebook, Isno45G, IZNO45J. Et merci à Case, merci à toi Fred. Merci à toi. Et Allô la Terre. Et Allô la Terre, voilà. C'est le message de la soirée. Mon premier single, Allô la Terre, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est le premier single qu'on peut trouver en attendant l'album qui arrive courant 2016. Ouais, j'espère. Très bien, on suivra ça. Voilà, merci beaucoup. On se donne rencontre la semaine prochaine. Direct, ouais. Et pour retrouver tes soirées, je crois qu'il faut les retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on y va, on va trouver ça. Et la news, c'est que j'ai Periscope maintenant, c'est DJ Khaled direct. Ah, j'étais prêt pour les dérapages, quoi. J'étais obligé, je suis allé hier, c'est assez marrant. Allez suivre donc le Periscope de DJ Case. Vous allez en apprendre de bien belles sur le monde du rail. C'est ça. Et le monde des DJ. C'est ça. Ils balancent tout. Yes. Ciao, bonne soirée, merci à vous deux en tout cas. Et merci à vous tous d'avoir suivi ce Rail Suprême qui s'achève maintenant. On est reparti pour le son de Skyrock. Bonne nuit, bonne fin de week-end, ciao. Difou les Romano t'offre la totale des cadeaux du morning. Super.